Voici le plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Shane Gauthier. C'était une soirée pratiquement historique hier à Dolboom-Sisney, alors que Shane Gauthier est devenu le premier joueur de football natif de Dolboom-Sisney et seulement le cinquième dans l'histoire de la région à être pêché par une équipe de la Ligue canadienne de football. C'est les Blue Bombers de Winnipeg qui l'ont appelé au quatrième round, en fait au tout début de quatrième round. Hier, on était sur place à donaldosport.com et pas besoin de vous dire que Shane Gauthier était très heureux de la sélection par les Blue Bombers de Winnipeg. Incroyable. J'ai pas vraiment de mots. Pour vrai, je suis content d'avoir ma chance. Winnipeg, c'est une des équipes que j'ai le plus aimé dans mes entrevues. Fait que je suis vraiment content que ce soit eux autres qui m'aient appelé. Shane Gauthier admet que la soirée s'est quand même bien passée en attendant sa sélection. Ça passe quand même vite, mais c'est le stress et tout, c'est une fois pareil. Et Shane Gauthier s'attendait à être pêché autour de entre la 3e et la 5e ronde. Tu as commencé là. Oui, je fais 4, 3, 4, 5, je m'attendais à être dans cette section-là. C'est ça qui est arrivé, donc bien content. Ça va être une belle soirée. Et pour le père de Shane Gauthier, Patrice Gauthier, il était très heureux que son fils aboutisse à Winnipeg. Que ton garçon se ramasse à Winnipeg. Ah, très heureux parce que c'était un de ses choix. Je pense qu'à sa position, peut-être que c'est la place qu'il fallait qu'il aille jouer. On aurait aimé qu'il joue dans Montréal et dans l'Est. C'est sûr qu'il va être plus loin. Mais pour lui, pour jouer le plus rapidement possible, c'est à Winnipeg qu'il fallait qu'il aille. C'est des... Et pour Patrice Gauthier, il n'y a pas de doute que Shane a d'excellentes chances de faire l'équipe cette année. J'en suis sûr. Quand il est arrivé avec le Rouge et Or, tout le monde le trouvait trop petit. Je pense qu'il a fini 3 ans de fil, meilleur joueur défensif du Rouge et Or. Je pense que quand il passe son camp d'entraînement au mois de juin, il va lui montrer que vraiment il a sa place. Puisqu'il est question de football, pendant mon absence, les Lynx d'Alma qui ont remporté le bol d'or ont participé à un camp d'entraînement au stade des Gators de la Floride. Et hier, à donaldosport.com, on a parlé avec Patrice Boudreau, l'entraîneur-chef des Lynx, et il nous explique le but de ce projet. Le principal de ça, c'est de démontrer aux jeunes que même si on reste en région, c'est accessible pour eux comme ça. C'est accessible pour eux des grosses équipes comme ça, pour certains. Comme on voit avec Shane Gauthier... Ouais. Ce soir, des fois, les jeunes pensent que c'est pas accessible, mais ça l'est. Il y a des très bons athlètes dans la région ici. Puis que si tu vas à l'école, ben tu peux être capable d'aller à l'école puis de jouer à un haut niveau quand tu joues universitaire, c'est pas rien. Puis en même temps, tu es capable de te réaliser dans tes études. Ça lui demande aussi beaucoup d'autonomie, de partir de chez eux, de vivre, d'avoir de la tolérance, de faire 34 heures d'autobus avec quelqu'un à côté de toi. Après ça, de vivre 4 dans une chambre d'hôtel pendant 10 jours de temps, avoir 2 pratiques par jour, il fait chaud. Donc, il y a une multitude de choses qu'on va chercher dans ça. Puis, à l'autre bout, l'objectif principal, c'est de faire des meilleurs kids avec eux, puis d'essayer de les ouvrir les horizons sur la possibilité d'être un athlète. Et Patrice Boudreau a indiqué, évidemment, qu'il a vu des jeunes transformer suite à ce voyage. Font des sacrifices un peu de même, ils se fabriquent des souvenirs, des souvenirs pour le reste du jour, comme tu le dis très bien. Puis une visite là-bas, j'ai vu des jeunes revenir transformés. OK, ah ouais? J'ai vu des jeunes revenir ici. Oh oui, puis dire, le collège est accessible pour moi, puis je vais y aller à l'école. Puis regarde là-bas, ils travaillent dur en Moses, les gars. Il y a des gars qui sont pas plus grands, pas plus gros que moi. Puis regarde, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus de là, puis... Ça a changé la façon de voir le football aussi, de voir les pratiques, pourquoi on pratique autant, pourquoi on a autant d'énergie. Les Cataractes de Shawinigan ont évité l'élimination hier en battant les Huskies de Rouyn-Noranda 6-4 dans le quatrième match de la série de la Ligue hockey junior majeure du Québec. Samuel Girard a amassé 2 passes dans la rencontre. Et puisqu'il est question des Huskies, le prochain match aura lieu jeudi à Rouyn-Noranda. La troupe de Gilles Bouchard mène 3-1. J'invite à écouter la section entrevue de donaldosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Denis. L'analyse des matchs du Canadien au réseau des sports qui fait partie maintenant du nouveau groupe de gestionnaires dans les Saguenay-Chicoutimi. Comment ça va fonctionner pour les gens du Lac-Saint-Jean? Marc Denis a expliqué ça. Et également, je me suis entretenu avec Patrice Boudreau où il nous parle des Lynx d'Alma, leur voyage en Floride. Le sport local et régional, à donaldosport.com, on s'en occupe.